Le Canada mène 2 à 0 contre le Mexique au moment où on enregistre le podcast. Il est présentement en deuxième manche. Donc, le Canada fait très bien aux petites ligues. Question de savoir davantage que. Mais ça se fait qu'il n'y a pas autant de d'équipes du Québec. On parle avec un gars qui s'occupe des petites ligues au Québec. C'est l'ancien joueur de l'organisation des Expos que vous avez connu dans les années 90, Ray Calary. Bonjour, Ray. Ray, question de me poser. Le Canada va très, très bien actuellement à Williamsport. Il mène 2 à 0 même de ça. Je pense, de mémoire, ça fait longtemps qu'on s'est pas rendu aussi loin. Mais la question que je me pose, comment se fait-il que le Québec, parce que la dernière fois que j'ai vérifié, ce serait en 92 qu'il y aurait une équipe du Québec. Comment ça qu'il n'y a pas plus du Québec que ça qui s'en va à Williamsport? Ray, moi, que je suis au courant, à dernier moment, il n'y a pas assez de joueurs qui jouent Little League au Québec. T'sais, Baseball Québec, que moi je travaille avec aussi, ça offre plus de choses dans des autres programmes. T'sais. Maintenant, le U-13, le Pee-Wee, ils ont un championnat canadien. Avant, il n'y avait pas de ça. Maintenant, il y a le championnat U-15, c'est comme, ils annoncent les équipes au jeu du Québec. C'est une grosse chose. C'est seulement, il n'y a pas une grosse fenêtre pour la Little League. Il y a 11 ans, 12 ans, puis après ça, c'est fini. Il n'y a pas beaucoup de choses. Pour compétitionner à ce niveau-là, Denis, la chose que tu veux avoir une équipe qui commence à 8 ans, puis reste avec toi jusqu'à 12 ans, puis tout le monde comprend qu'on joue à toutes les 5 semaines, c'est voyagement, il y a besoin des sponsors, il y a besoin de toutes choses comme ça pour. Il n'y a pas d'autres équipes qui jouent en Little League au Québec, même au Canada. Ça commence après 12 ans, 13 ans, il n'y a pas plus d'équipes que ça. OK, OK. Ray, le baseball, dans les inscriptions, connaissent quand même une hausse de régime. Je te parle de baseball au Québec. Est-ce que. Parce que moi, ce que j'ai appris ce matin, c'est que vous êtes deux entités complètement distinctes. Là, vous êtes rendu 600 joueurs de la Little League, de la petite ligue au Québec actuellement. Et est-ce que ça a monté? Est-ce que c'est déjà ça a déjà été plus gros que ça ou c'est vraiment vous êtes vraiment dans un pic là? Ça monte puis ça descend. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive que les gars jouent les deux places? Ils vont jouer Baseball Québec dans un schedule déjà fait. Okay? Puis pour le tournoi, il y avait le tournoi à Mirabel, l'équipe haute de Mirabel de Diamond, puis après. Il y avait une équipe de Québec, la plupart des joueurs, pas l'équipe, même l'équipe haute, plus l'équipe, l'autre, le Québec, la plupart des joueurs jouaient Pee Wee Dura dans la structure de Baseball Québec. Donc, les gars jouent dans les deux plats. Parce que, comme j'ai dit, la structure, il n'y a pas. À Little League, c'est toi-même qui dois faire la structure. Baseball Québec, c'est la Ligue, c'est Baseball Québec qui fait la structure pour toi. So, mais les deux commencent à travailler ensemble. Et les deux, les kids, ils jouent deux fois. Ils vont jouer Little League, puis après, Baseball Québec, durant la semaine, Little League, fin de semaine, championnat, s'il y a un championnat canadien, un championnat provincial, les kids vont monter à Little League. T'sais. OK, OK. Mais il existe une petite rivalité, par contre. Mais il n'y aurait pas intérêt de travailler tout ensemble pour que vraiment que le Québec performe sur ce tournoi-là. Parce que je sais que ça a bien été quand même cette année. Là. Il y a une équipe de Mirabel hein, qui s'est rendue en finale du Québec. Hein? Oui, demi-finale. OK. On a perdu contre les Maritimes, je pense. Ouais. À la demi-finale. Mais la chose, c'est que. Si tu fais des équipes, maintenant tu dois faire des équipes distinctes. Peut-être que tu fais une équipe de Montréal, une équipe. C'est qui va diriger ça? C'est ça le problème. Il y a la rivalité là-dedans, mais c'est un peu qui va. Parce que moi j'ai parlé avec les gars de Baseball Québec, proche avec eux autres, on a parlé de ça, puis ils sont corrects que l'équipe joue les deux passes. À la fin de la journée, à la vie, c'est ces deux années-là, 11e année puis 12e année, le Little League, la Ligue des Ligues, ils donnent quoi aux joueurs? C'est ça que eux autres veulent. Le président de Baseball Québec, Max Lamarche, il dit, j'ai rien contre ça. Mais il dit, OK, après, les kids ont 12 ans, ils vont y aller où? Ouais. Il n'y a pas assez de structure, il n'y a pas assez de championnat. Tu sais, championnat de je pense, de 12, tu sais, pour aller au... provinciaux, il y avait 4 équipes, il y avait 2 équipes de Saguenay, non, 2 équipes de Rainoranda, une équipe de Valleyfield, puis une équipe haute, tu sais, 4 équipes, championnat de Québec. C'est pas gros, ça. Non, c'est clair. Quand tu vas... C'est ça, quand tu vas au jeu du Québec, il y a toutes des régions qui, tu sais, des régions que... Moi, je connais même pas, il y a Mascotte, il y a comme 15-20 régions qui jouent là-dedans, puis tout le monde a le droit de jouer, tu sais. Mais c'est quoi, ça donne quoi à tout le monde? Comme cette année, tout le monde voulait jouer. Hey, moi, je veux jouer, tu sais, jeu de Québec, jeu de Québec, jeu de Québec, puis c'est l'enfer. C'est comme les Olympiques à Québec, tu sais. Mm. Avec une équipe, ça donne pas rien, tu sais. Ça gaspille l'argent. Si le tournoi monte à 10, 8, donner 8 à 10 à 12 équipes, puis il y a le plus de visibilité pour les joueurs, oui, moi, je vais dire que ça peut bouger, tu sais. Mm. Mais avant ça, je pense pas. OK. Dis-moi, il faudrait que Baseball Québec change un petit peu les règlements, hein, aussi, hein, les clôtures, c'est ça, hein, rapprocher les clôtures, hein? Non, mais c'est pas que Baseball Québec doit changer. Ça donne exactement à quoi, tu sais. Si Baseball Québec a l'offre, c'est dur, OK? Ouais. Puis le joueur, il joue le samedi, puis c'est un match, tu sais, un match le samedi avec Little League. Le joueur, il va où? Mm. C'est ça, il y a le conflit. Il n'y a pas qu'on arrête pour ça. Ça prend des joueurs, puis ça prend les présidents de l'association pour dire, OK, je vais laisser mes joueurs aller. Parce que peut-être tu vas en avoir 5 de l'Action Louis, un autre 5 de l'autre place. Mm. C'est l'équipe d'étoiles, puis OK, on joue pas. C'est pas... C'est pas facile, parce que tout le monde joue en même temps, tu sais. C'est pas comme moi que je suis pas à l'aise avec ça aussi, tu sais. OK. Colombie-Britannique, ça fait 10 ans de fil que c'est l'équipe de Colombie-Britannique qui représente le Canada aux petites ligues. Eux, ils ont-ils une structure différente? Qui? La Colombie-Britannique, ouais, Little League. Non. Mais eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme en Ontario. Eux autres sont Little League jusqu'à 12 ans, puis après ça, tu peux jouer où tu joues, tu sais. Mm. Puis après, t'sais, ici à Québec, tu sais, on a déjà. Moi, je pense que c'est Mirabel qui est allé au championnat junior, je pense, à Michigan, cette année, non? Dans le junior. Dans les autres catégories, le Québec va bien. Junior, senior, mais dans Little League, c'est dur que tout le monde veut y aller à Williamsport parce que c'est les yeux sur la télévision, puis tout le monde veut y aller, puis c'est ça qui compte. Mais ici, à Québec, ça commence à retourner, je pense. OK. OK. Dis-moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que le Little League, tu as parlé de Williamsport, c'est un gros show, ainsi de suite, mais quelqu'un m'a dit que c'était. J'ai vu un reportage la semaine passée sur RDS qui a été fait par ESPN sur un jeune en 1982 qui est un Américain qui a gagné à Taïwan, qui a battu Taïwan, qui avait gagné 10 matchs consécutifs. Puis le jeune de 12 ans, il a eu beaucoup de pression par la suite, puis il a eu beaucoup de problèmes. Et quelqu'un qui m'a dit que Williamsport, c'est bien beau tout ça, mais c'est beaucoup trop de pression pour un jeune de 12 ans. T'es-tu d'accord avec ça? Ben, la pression, la minute, c'est dans. Tu sais, moi, le ménage, c'est comme un vedette de 12 ans, tu sais. Mm. Moi, comme dépisteur aussi, tu sais, pour les Giants, tu sais, tu vas dans des tournois, puis les jeunes gars là-dedans, tu sais, tu rentres dans le tournoi, puis ils donnent un sac de linge, de souliers, des spikes, des bâtons de bois, des gants de baseball, des choses comme ça. Tu sais, hey, bienvenue, boum, ils laissent un sac là-bas, puis comment? Eux autres, maintenant, c'est plus. T'sais, même là-bas, c'est un gros business, tu sais. Mm. Ce sont des vedettes. Parce que, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver avec leurs joueurs, tu sais. Ouais. On sait jamais un kid qui joue dans Williamsport, parce qu'il y en a. Ils ont joué dans les ligues majeures, il y en a. Des kids qui viennent d'Aruba, de Curaçao, de le Japon, de l'Amérique, qui jouent, qui ont joué dans les ligues majeures. Mais même quand moi, j'avais une équipe d'MDG, on a participé au championnat senior, puis de la senior, il y avait comme 15-20 joueurs qui ont participé à Maine, qui sont allés dans la Ligue majeure, tu sais. Le Maine, ils vont là-bas, t'as des autographes à faire à 12 ans. Ouais. T'as des jeunes filles qui te suivent tout partout. Puis, les gars là-bas, ils parlent pas anglais. Tu sais, là-bas, des petites villes comme ça, tout le monde est fasciné. Tu sais, oh, ils parlent pas anglais, comment? Et puis, le plus loin tu viens, le plus t'es comme un vedette. Ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est sûr. Si tu viens de c'est incroyable. Puis, tu sais, que le minute que t'as une équipe comme le Pologne, moi j'étais à un tournoi cette année à Minneapolis, il y avait une équipe de Uganda là-bas. Puis, tout le monde est capable. Il voyait les gars pour dire, hey, oh, ils parlent, tout le monde parlait anglais, tout le monde était éduqué, tout le monde avec les livres, il faisait des devoirs, après qu'ils jouaient, tu sais. C'est comme une autre culture, tu sais. Mm-hmm. Et moi, comme j'ai dit, tu vas repêcher un gars de Uganda, c'est 20 heures sur l'avion. Ouais. Moi, je suis pas à l'aise avec 2 heures. Imagine donc 20 heures sur l'avion, tu sais. Ouais. C'est incroyable. OK. Ray, l'équipe, en terminant, l'équipe canadienne qui représente ces 2-0 toujours, est-ce qu'elle peut aller loin? Parce que l'équipe canadienne, c'est cette année. Parce que là, on commence à jouer comme Mexico, on commence à jouer comme des grosses équipes, là. Mais, les choses, une journée à l'autre, on sait jamais. Un game, un match à la fois. Ouais. On sait jamais qu'est-ce qui va arriver. OK. On sait jamais, tu sais. Parce qu'on sait jamais, tu sais. Il y a 2 ans, il y avait une équipe de Big East, tu sais. Cette ville à New York, il va bien maintenant, check. Moi c'est la Trick 2 maintenant aussi, check. Une équipe de New York, 2-0. Déjà, une équipe Grandview à Iowa, il est dans. Coventry à Rhode Island, il est dans. Idaho, il est dans. La Georgie est encore là-dedans. So, on sait jamais. T'sais, qu'est-ce qu'il va arriver? À un match à la fois, on sait jamais. Maintenant, tu sais, comment se jouer des grosses équipes? Si le Canada il est bon, continue. Même la première game, même la première match, moi j'ai vu le gérant, il était nerveux. Ils sont une bonne équipe. Et moi je suis Canadien, je veux que le Canada va bien dans le baseball. Puis, le plus loin ils vont être des vedettes, ces jeunes kids-là. Oui, effectivement. Ray, très intéressant. Au plaisir de se reparler un autre tantôt. Oui, 100%. Merci beaucoup, Denis. Voilà le dépisteur des Giants. Ça va se commencer, membre de l'organisation des Expos, Ray Callery.